Not at all. You're not fired. Élargi après l'incendie. Able to listen. Mais ma tête va être une fois plus. about to share. To love again. About to sing, about to dance. Yeah. Well, I need to go. feeling cold. Not anymore. It's getting icy right here. She was just a push. Thanks a lot, your amazing drummer. It's always a pleasure. And you are thank really you pretty very much, here. Yeah. Une jam session. Yes, it was. Thanks a lot. Géométrie variable. Ça rentre, ça sort. Partie du grand tout. Direct live des Pyrénées. N'importe quel endroit, n'importe quel moment. Ça se passe dans les Pyrénées. Quelques autres endroits. À l'endroit, à l'envers. À l'envers. À l'endroit. Fuir toute forme, civilisation. En plein dedans, être au milieu, besoin de carburant, du pétrole et des idées, carburant au pétrole. Et aux idées, quand même. Le pétrole. Et les idées, quand même. Ok, à follow. Hi, Emma, so glad. Thank you. des idéaux. Des idées quand même. Des idéaux. Des utopies. Des merveilles à l'infini. Oui, nous rêvions alors quand il est en poche. Faire la panne générale. Ne s'abattre sur nous. Triste sort. Alors deep deep deep deep deep deep deep deep deep deep deep deep deep deep deep deep. Un écho. Go in deep. Un écho. Please, Emma, play. Please. Yeah. Emma, you're the best. Before. Piano. Sweet chord, je suis d'accord. Tempo. D'accord, je suis d'accord. On peut se mettre d'accord sur un truc assez sain. Pourrait ressembler à un contrat. Ouais. Sixteen. To try to share. To listen, to share. Hi, VH. Drums are yours. Able to create. About to make music. About to love again. Oh yeah. about to love again. nous faisons exception. Parmi nos semblables, nous faisons exception. Exception. Poussez la porte. Not just in my head. une jam session. Projette vers toi d'autres horizons, peut-être des planètes complètement disproportionnées, des projections. Des univers, croyons, la puissance de l'esprit, la force des vibrations. I'm sorry. Oui, tu... Thank you. Alors... se rend compte alors que l'heure du compte est venue alors, à l'heure alors. D'abord, remettre les compteurs à zéro. Un rêve. Interroger le système, les comptants, les contentieux, les comptables. Peut-être serait-il temps. Thank you. D'un tapé, y a pas trop plus. De n'importe quelle couleur, à n'importe quel endroit. Excellent. La puissance du son. puissant. Du son. Envoyé à travers les airs, les ondes, l'internet. C'est la puissance. La puissance du son. Power of the people. Femme, femme. C'est la beauté du monde. Power of the people. Oh. C'est la beauté du monde. C'est la beauté du monde. C'est la beauté. Sous tes yeux, chaque instant, chaque moment, c'est la beauté du monde, déployée et pas gratuitement, c'est la beauté. Pas d'abonnement, non, hein. Regarde, écoute, sans touche, juste besoin de regarder, écouter, ici et maintenant. Sans poliment, sans abonnement. Ici et maintenant, sans abonnement. Free, sans poliment. Just listen. De l'espoir, tant que tu te repères. Pas mal de crier. Listen the sound we make. Improvisation. The beauty of the world. Yes. Possible. Allongé, le sourire attend la beauté, les deux pieds dans l'herbe à 4h du matin, regardant les étoiles comme Arthur Rimbaud la première fois. Mortalité. Toi et moi, c'est la beauté. Avec ou sans champignons, nous pouvons la moraliser. C'est la beauté. La beauté. monde. Maintenant sous les bons.